La lutte est inégale. Nous nous battons avec des procès-verbaux, eux utilisent des louparas. Les louparas, ces trop célèbres fusils à canon scié utilisés par les tueurs de la mafia. L'homme qui parlait ainsi se nommait Giovanni Falcone et c'était l'ennemi numéro un de Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Un magistrat qui avait lancé un véritable défi à l'organisation criminelle. Falcone savait que cette lutte ne se terminerait qu'avec sa mort ou la défaite de la mafia. Très lucidement, il n'ignorait pas que le premier terme de l'alternative était le plus probable. Giovanni Falcone est mort le 23 mai 1992, assassiné par la mafia. La semaine passée, j'ai commencé la diffusion d'une longue conversation que j'ai eue avec M. X à propos de la mafia. Le prétexte en était la récente parution du livre d'un autre magistrat italien, Fernandino Imposimato, un livre que cet ancien juge spécialiste de la lutte anti-mafia a décidé de publier d'abord en France, car il n'était pas certain de trouver un grand éditeur en Italie, tant la mafia y est encore puissante et influente. Dans la première partie de notre entretien, largement consacré à l'affaire Roberto Calvi, ce banquier dont l'assassinat a été maquillé en suicide, M. X m'a expliqué qu'au début des années 80, avec la prise du pouvoir des Corleonais, la mafia est devenue encore plus hégémonique, encore plus impitoyable. Sous la férule du féroce Toto Riina, elle s'est centralisée, rigidifiée, et elle a accentué sa mainmise sur le personnel politique en Sicile, mais aussi dans toute la péninsule italienne et bientôt dans l'Europe entière, puisqu'il est aujourd'hui avéré que Cosa Nostra pille les fonds communautaires en détournant une partie des subventions agricoles accordées par Bruxelles. La mafia est donc aussi une puissance économique. Pourtant, on a cru toujours dans ces années 80 qu'une poignée de juges courageux allait triompher de la mafia. C'était le temps des maxi-procès, des dizaines, des centaines de mafieux, chefs de famille ou simples hommes d'honneur, comparaissaient devant les tribunaux. Des repentis témoignaient contre eux, brisant la traditionnelle omerta. La réalité, hideuse et terrifiante, se faisait jour petit à petit. Hélas, dit M. X, ce n'était qu'une éclaircie. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Tout le monde s'en souvient, ces images des mafieux debout, entassés dans des cages devant leurs juges. Mmh. Enfin, ils avaient beau parader, on se prenait à espérer cette fois-ci. La justice avait porté un coup décisif à la mafia. Oui, grâce aux repentis. Hein. Oui, des hommes qui avaient osé révéler les secrets de la mafia. Ouais. Pourtant, selon le serment qu'ils avaient prêté, il leur était interdit de parler sous peine de mort. En hein. principe. Ouais. En principe, dites-vous. C'est-à-dire que, dans le passé, d'autres membres de la mafia avaient trahi leur serment. Naturellement, et beaucoup l'ont payé de leur vie. Toutefois, tout cela n'était que des sous-fifres et ils n'ont révélé que des bribes, dénonçant tel ou tel, mais sans jamais mettre en péril l'organisation criminelle. Mais alors que les repentis des années 80 sont au contraire des membres éminents de Cosa Nostra. C'est exact. Mmh. Oui. Et comment expliquez-vous cela alors? La guerre. La guerre, Monsieur Pénaud, la guerre interne et sanglante dont je vous ai déjà parlé précédemment. Oui. Une guerre qui s'est conclue par la victoire des Corleonais. Des familles mafieuses ont été anéanties dans leur presque totalité. Des parrains ont été abattus et leurs proches ont suivi dans la tombe. Cette lutte fratricide a donné naissance à beaucoup de ressentiments. Et certains mafieux influents se sont sentis déliés de leur serment. Oui, il y a eu Tommaso Buscetta. Hein. C'est le plus connu, oui. Mais on peut aussi parler de Salvatore Contorno. Et celui-là, qui c'est? Contorno était un trafiquant de drogue et l'un des lieutenants d'un parrain abattu par les Corleonais. Un jour où il a été lui-même victime d'un guet-apens dans un quartier miséreux de Palerme. Mmh. Il devait se cacher, là, parce qu'il était menacé, c'est ça? Il se méfiait, disons. Sans compter qu'il était aussi recherché par la police. Ouais. Mais aucun carabinier n'aurait osé pénétrer dans ce quartier populaire. Pensez que le jour où les autorités ont annoncé la création d'un commissariat en lisière du quartier, on a assisté à une véritable émeute. Donc ce Contorno avait donc plus peur de ses amis que de la police. Incontestablement. Et donc un jour dans la rue, il aperçoit des soldats d'une famille ennemie. Il prend ses précautions, mais c'est trop tard, on lui tire dessus avec une Kalachnikov. Et il s'en sort ? Oui, et il passe lui-même à l'offensive et réussit à fuir. Où va-t-il se cacher ? Cette fois, il met de la distance entre ses ennemis et lui. Il se réfugie à Rome, mais en Sicile, la chasse continue. Et comme on ne peut pas mettre la main sur lui, on commence à assassiner systématiquement les membres de sa famille et ses proches. J'imagine qu'il pense à se venger. Ça c'est certain, mais dans son système de pensée, il n'est pas question de se servir de la police pour accomplir cette vengeance. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Alors comment va-t-il franchir le pas ? Il finit par se faire prendre par la police. C'est le juge Falcone qui est d'ailleurs à l'origine de cette arrestation. Le juge qui habilement lui met le marché en main. Ou tu collabores et je fais protéger ta famille, ou tu refuses et non seulement tu seras condamné à une lourde peine de prison, mais tes proches seront toujours en danger de mort. Et c'est ainsi qu'il a accepté de parler au juge. Il faut dire qu'il y avait eu le précédent de Tommaso Buscetta, un parrain éminent de Cosa Nostra qui, lui, avait déjà commencé à révéler des secrets de la mafia au juge Falcone. Oui, et ce sont ses aveux, enfin les aveux de Buscetta qui vont être à l'origine du premier grand procès contre les mafieux. Oui, en 1986, je crois, plus de 450 hommes d'honneur passent en jugement. Ça a été un événement considérable pour lequel il a fallu construire un tribunal spécial, un véritable bunker. Et ça a aussi été un énorme succès pour le juge Falcone et ses collègues. Qui étaient alors regroupés à Palerme dans un pool anti-mafia. Il faut aussi dire que beaucoup de ces juges courageux étaient des Siciliens et qu'ils étaient parfaitement à même de connaître les mœurs de la mafia et la mentalité des hommes d'honneur, comme on appelait les soldats de Cosa Nostra. Alors à ce moment-là, on pouvait donc penser que la justice venait de remporter une victoire importante sur la mafia. Et même une victoire décisive. D'autant que pour la première fois, les méthodes de l'organisation criminelle ont été rendues publiques et qu'on en a découvert l'horreur. L'horreur, par exemple ? Le juge Falcone, toujours lui, a réussi à percer le secret d'une chambre de la mort, comme il l'a lui-même appelé. Et une chambre de la mort, c'est... C'est une petite pièce dissimulée dans une baraque au fond du port de Palerme. Un endroit tout à fait isolé. Là, les hommes de main de la mafia interrogeaient les ennemis dont ils s'étaient emparés. Mais vous voulez dire qu'ils les torturaient ? C'est évident. Et quand ces malheureux, à bout de souffrance, avaient enfin parlé ou reconnu leur faute, les mafieux faisaient disparaître leurs corps en les plongeant dans un bain d'acide. Falcone a estimé que plus de 250 personnes ont ainsi disparu pour toujours. Oui. Radical, l'acide. Dans cette lutte entre la mafia et les juges, j'imagine que l'organisation criminelle doit rendre coup pour coup. Bien sûr, et des magistrats et des policiers tombent sous les balles des tueurs. Pourtant, ces magistrats et ces policiers doivent prendre d'énormes précautions. Oui, ils se déplacent dans des voitures blindées, protégées par une escorte. Ils changent sans cesse de domicile, ils n'empruntent jamais les mêmes itinéraires, ils n'ont pas d'horaire fixe, et leurs bureaux sont de véritables forteresses. Et malgré cela, certains d'entre eux sont assassinés. Oui. Alors pourquoi ? Il n'y a qu'une seule réponse. La mafia est très bien informée. C'est-à-dire qu'elle dispose d'informateurs au sein même de la magistrature et des forces de sécurité. Bien entendu, et quelquefois au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire ou policière. Je vous donnerai un seul exemple, celui du premier attentat contre le juge Falcone, en 1989, je crois. Racontez, alors. C'était un jour d'été, au palais de justice de Palerme, Giovanni Falcone reçoit sa collègue, Carla Del Ponte, qui est alors juge d'instruction en Suisse. Carla Del Ponte, qui sera nommée plus tard procureur général du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Hein. C'est exact. Ouais. Un magistrat à poigne qui s'attaquera aussi à la mafia russe. En 1989, elle vient interroger un mafioso arrêté par Falcone, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Suisse. Parce qu'elle est suisse. Oui. Donc les deux magistrats se connaissent de longue date et sympathisent. Et comme il fait très beau, le juge italien propose à sa collègue suisse de venir pique-niquer sur la terrasse de sa villa située au bord de la mer, au-dessus d'une petite crique, dès qu'elle aura fini d'interroger le prévenu. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Attendez la suite. En prévision de ce déjeuner, Falcone demande à ses gardes du corps d'aller acheter quelques provisions. Mais l'interrogatoire que mène Carla Del Ponte se prolonge. Et c'est avec un retard considérable que les deux magistrats partent sous bonne escorte vers la villa de Falcone. Heureusement pour eux. D'ailleurs, que voulez-vous dire là ? Quand ils arrivent, c'est pour découvrir un spectacle de désolation. La villa vient d'être soufflée par une énorme charge d'explosifs. Une charge qui était réglée pour exploser à l'heure même où les deux juges devaient pique-niquer sur la terrasse. Et il y a donc eu une fuite. À l'évidence. Mmh. Cette fuite ne pouvait avoir comme origine que l'un des gardes du corps de Falcone. Et un traître. Un traître, oui. Mmh. Et qui n'a jamais été démasqué. Dans ces conditions, Giovanni Falcone pouvait-il encore longtemps échapper à tous ceux qui étaient attachés à le faire disparaître ? Non, bien sûr. Et il était le premier à le savoir. Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Des traîtres dans l'entourage du juge Falcone, il n'y en avait pas que dans son escorte, Si j'en crois Fabrizio Calvi, qui a publié un remarquable document sur la mafia chez Grasset, intitulé « L'Europe des parrains ». Voici ce qu'il écrit. En dépit de sa circonspection, le magistrat allait de l'avant, menant presque toujours à terme ses enquêtes. Ce n'était pas le cas de son supérieur, le procureur de Palerme, Pietro Giaminco, arrivé dans la capitale sicilienne en 1990. Giovanni Falcone entra rapidement en conflit avec lui. Leur divergence de vue était totale. L'harmonie passée fut ruinée. Ce qui restait d'un pool de magistrats unis et soudés vola en éclats. Il faut en effet savoir que sous la houlette de Giaminco, une enquête sur 5 seulement arrivait à bon port. Et quand on l'interrogeait sur tous ces dossiers classés sans suite, le magistrat prenait la mouche. Les liens entre Cosa Nostra et les hommes politiques ? Il n'y a pas de preuve, tranchait péremptoire le procureur. Les rapports avec les grandes entreprises du Nord établis lors d'une gigantesque enquête de police, il n'y a pas lieu de poursuivre, elles sont victimes. Fabrizio Calvi suggère donc, sans toutefois l'écrire noir sur blanc, que ce procureur avait parti lié avec les hommes de la mafia. Donc, dans ces conditions, Falcone pouvait-il encore longtemps demeurer à Palerme, alors même qu'il se savait en danger de mort et que les autorités judiciaires ne cessaient de lui mettre des bâtons dans les roues? Et ne parlons pas des politiques à coquiner à la mafia. Ça me semble en effet difficile de travailler dans un tel climat. Tant et si bien que dès qu'il l'a pu, au printemps 91, Giovanni Falcone a demandé à changer de poste. Alors, lui aussi abandonnait la lutte contre la mafia, comme le juge Imposimato quelques années plus tôt. Non, Falcone, qu'on surnommait le shérif. Le shérif. Oui. Le shérif. Mmh. C'était aussi le surnom du juge Renaud. Hein. Absolument. Oui. Ouais. Il y avait sans doute des points communs entre ces deux magistrats. Enfin bref, il shérif n'est pas un homme à renoncer. Et quand on lui a proposé de venir à Rome pour y diriger les affaires judiciaires, il a tout de suite accepté. Parce qu'il pensait à ce poste être en mesure de poursuivre la tâche commencée en Sicile ? Oui, parce qu'à Rome, il avait l'espoir de superviser toutes les enquêtes concernant Cosa Nostra. Il voyait même plus loin. Expliquez-moi. Falcone nourrissait l'ambition de créer une super procura, c'est-à-dire un super parquet qui pourrait centraliser toutes les informations sur le crime organisé et qui, de ce fait, serait capable de mener des actions judiciaires plus efficaces. Bref, il voulait réaliser à Rome ce qu'il ne pouvait plus accomplir à Palerme, puisque le pool des juges anti-mafia qui avait pourtant été à l'origine de tant de succès avait été pratiquement démantelé. Et par le pouvoir judiciaire, même. Oui, sous diverses raisons, toutes plus spécieuses les unes que les autres, et au prétexte que les magistrats de ce pool devaient strictement se plier aux usages administratifs en vigueur dans la gestion des carrières. Certains juges avaient dû purement et simplement laisser la place au profit de magistrats plus calmes. Ouais, la gestion des carrières. Enfin, revenons à Falcone. Est-ce qu'il ne se faisait pas quelques illusions en croyant pouvoir mettre sur pied cette super procura là? Parce que à Rome aussi, je l'imagine, la mafia disposait d'hommes d'influence dans les milieux du pouvoir. Vous avez raison, mais justement, en mars 1992, il se passe un événement considérable. Le député européen Salvo Lima est assassiné à Palerme. Et tout porte à croire que c'est la mafia qui a commandité le meurtre. Rappelez-moi, qui était ce Lima là ? Un cacique de la démocratie chrétienne, le véritable chef de ce parti en Sicile. Un politicien qui devait donc avoir forcément des acquaintances avec la mafia. C'est certain, tout le monde le savait dans l'île. Lima était étroitement lié aux familles de Cosa Nostra. Et d'après ce que je vous ai dit, des nouveaux rapports qui existaient entre le crime organisé et les milieux politiques depuis le début des années 80, il ne pouvait pas en être autrement. Salvo Lima était sous la coupe des Corleonnettes de Totorina. Et le juge Falcone n'avait jamais réussi à le coincer ? Non. Il l'avait à l'œil, indubitablement, et il savait exactement quel rôle il jouait dans la nébuleuse mafieuse. Enfin, toutefois, il attendait d'avoir suffisamment de preuves pour le mettre en cause et l'inculper. On lui avait d'ailleurs reproché ses atermoiements. Mais Falcone, qui était sans doute l'ennemi le plus irréductible de Cosa Nostra, savait aussi que Lima possédait de puissantes protections. Et protections qui, par exemple ? Giulio Andreotti, l'homme politique qui était membre de presque tous les gouvernements depuis la fin de la guerre. Mais qui a souvent été président du Conseil. Cette fois, je crois. Or, Lima était l'homme lige d'Andreotti en Sicile. Andreotti, qui ne pouvait pas lui non plus ignorer les relations qu'entretenait son protégé avec la mafia. Bien entendu, vous le savez, Andreotti, qu'on appelle l'inoxydable en Italie, va avoir un peu plus tard de sérieux ennuis à cause de ses propres rapports avec la mafia. Mais on y reviendra si vous le voulez bien. Oui, d'accord. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est quel pouvait être l'intérêt pour la mafia d'assassiner Lima, un homme politique aussi dévoué à protéger ses intérêts. C'est une des questions les plus intéressantes de cette affaire. Et on a émis beaucoup d'hypothèses. Mais selon moi, voici ce qui s'est passé. Puisque vous avez eu accès à des informations privilégiées, alors. Je crois vous avoir déjà dit que les services secrets ont été très souvent mêlés à ces affaires. En bien comme en mal, d'ailleurs. Je peux même vous dire que lorsque Falcone se trouvait à Rome, c'est dans un avion des services qu'il gagnait la Sicile. Mais, bon. Mais votre explication ? Les autorités italiennes, au début des années 90, semblaient enfin s'être décidées à engager une lutte frontale contre la mafia. De quelle façon ? En 1991, par exemple, plusieurs conseils municipaux siciliens, suspectés d'être entièrement manipulés par Cosa Nostra, avaient été dissous. Mais ce n'est pas tout. À l'issue du maxi-procès des années 86 et 87, un grand nombre de mafieux avaient été condamnés, certains d'entre eux à des peines de prison à vie. Oui, c'est ça. Et la mafia réclame au pouvoir tout bonnement leur élargissement ou des réductions de peine. C'est tout à fait cela, oui. Et déjà, grâce au respect scrupuleux du nouveau code pénal voté en 89, quelques-uns avaient été libérés. Mais il en restait beaucoup en prison, et pas des moindres. Et la mafia se faisait de plus en plus pressante. Oui, Cosa Nostra comptait en particulier sur un magistrat très influent, le président de la première section de la Cour de cassation, Corrado Carnevale. C'est lui qui avait déjà permis les précédentes libérations. Mais alors que vraisemblablement il allait faire libérer de nouveaux détenus, ce carnaval est muté. Allez, avant d'aller plus loin, là, vous laissez entendre que ce magistrat était également lié à la mafia. Naturellement. Et d'ailleurs, lui aussi, un peu plus tard, fera l'objet de poursuites pour complicité avec le crime organisé. En tout cas, il est donc muté, et en janvier 92, me semble-t-il, la Cour de cassation, en son absence, donc, confirme les condamnations prononcées au cours du maxi-procès. Pour la mafia, ça sonne comme une véritable déclaration de guerre. Mais attendez, la guerre avec qui ? Les politiques ? Évidemment, parce que la décision de muter Carnevale a été prise par le gouvernement. Et si les mafieux restent en prison, c'est donc à cause des politiques. Or, Giulio Andreotti dirige ce gouvernement. Andreotti, qui est le parrain politique de Salvo Lima, et qui est censé faire la pluie et le beau temps en Sicile. Ouais. Alors, par conséquent, enfin, c'est votre explication. Pour se venger d'Andreotti, ils assassinent son fidèle ami. Exactement. Mmh. Et personne ne s'y trompe vraiment. À travers Lima, c'est Andreotti qui est visé. Mais si, comme vous le pensez, Giulio Andreotti était très proche de la mafia, comment expliquer qu'il ait pu approuver ce que vous avez vous-même appelé une déclaration de guerre ? C'est-à-dire la mutation du juge Carnevale. Oui, c'est ça. Oui. Andreotti, qui est un fin politique, a sans doute pensé que l'opinion publique italienne, de plus en plus lassée par les excès sanglants de la mafia, n'accepterait pas la libération des mafieux. Il a aussi sans doute pensé à son avenir. À quel avenir ? En 1992, il y avait une élection présidentielle, au mois de mai. Notez-le bien, car c'est important pour la suite de mon récit. Et Andreotti était candidat à cette élection. Président de la République, c'est la seule charge publique qu'il n'avait pas encore exercée. Et cet homme déjà âgé se voyait bien terminer sa carrière au Quirinal. Une fin honorable pour un homme qui avait été au centre de la vie politique italienne pendant presque un demi-siècle. Mmh. Et pourquoi avez-vous insisté particulièrement sur le mois de mai ? N'allons pas trop vite, vous verrez bien. Ah, mais je commence à être habitué. Enfin, je peux vous donner un début de piste. C'est également au mois de mai 1992 que le juge Falcone va être assassiné. Et pour vous, tel que je vous connais, il ne s'agit pas d'une coïncidence. Bon, reprenons. Falcone, justement. En mars, quand il apprend l'assassinat de Salvo Lima, le juge comprend tout de suite l'importance de l'événement. Oui, parce que c'est un politique qui est visé. Et un politique ami de la mafia. Oui, un des chefs de la démocratie chrétienne en outre. Oui, ouais. Cette démocratie chrétienne avec laquelle Cosa Nostra a toujours noué d'excellents rapports. Bien que l'organisation criminelle ait aussi des liens avec des socialistes italiens. Donc Falcone se dit que quelque chose est en train de changer et il voit immédiatement le parti qu'il pourra en tirer. C'est-à-dire ? Cet assassinat, c'est peut-être l'amorce d'un divorce entre les criminels et le milieu politique. Les politiciens vont désormais avoir peur. Et il sera peut-être plus facile de les démasquer, de les faire parler. Et bref, d'en faire des repentis. C'est cela, oui. Et c'est assez bien vu. Malheureusement, Falcone n'a plus que 2 mois à vivre. De tels rapports se limitaient au niveau local. À partir de la moitié des années 50, les collusions entre représentants siciliens des partis de gouvernement et organisations mafieuses s'élargirent. L'influence de la mafia s'étendit aux institutions d'État dans leur ensemble et même au Parlement, réussissant par exemple, grâce à ses alliés politiques, à retarder les décrets d'application d'une loi anti-mafia efficace ou en conditionnant la politique judiciaire. Elle renforça sa souveraineté territoriale dans les provinces où elle était traditionnellement ancrée et la consolida dans des provinces où sa présence était encore marginale. De la protection mutuelle entre politique et mafia, et des affaires réalisées en commun, on est passé à la volonté de subordination du système politique et institutionnel de la part de Cosa Nostra. À ce moment-là, L'autonomie des hommes politiques reconnue par les mafiosi et présupposée indispensable à l'échange des protections fut remise en question. Le repenti Gaspard Mutolo rapporte que lorsque, contrairement à toute attente, la Cour de cassation confirma en 1992 les condamnations du premier grand procès contre Cosa Nostra, qui s'était conclu en 87 par de lourdes peines de détention, on entendit les mafiosi dire « Maintenant, nous allons leur faire la peau à tous ». Le sens explicite de la phrase était « Faisons la peau aux politiques et à tous ceux qui n'ont pas respecté leur promesse de protéger Cosa Nostra ». Cette expression a le mérite de dire, avec efficacité et sans périphrase, que Cosa Nostra avait décidé de donner des ordres aux politiques et aux fonctionnaires et d'être obéi. Giovanni Falcone a donc décidé, après avoir appris la nouvelle de l'assassinat de Lima, de donner une nouvelle impulsion à sa lutte contre la mafia. Il m'avez-vous dit de s'attaquer aux politiques trop proches de Cosa Nostra. C'est cela. Il envisageait d'aller aux États-Unis afin d'interroger à nouveau le repenti Tommaso Buscetta. Celui-là qui se repentit, qui avait permis l'inculpation et la condamnation des mafieux du maxi-procès. Oui, Falcone, il n'avait pas tort, estimait que si Buscetta avait été prolixe en ce qui concerne l'organisation de la mafia et ses crimes, il n'avait pas tout dit. Mais sur quel sujet alors? Sur justement les rapports entre Cosa Nostra et les hommes politiques. Le magistrat voulait aussi mettre le nez dans les affaires personnelles de Salvo Lima, c'est-à-dire sur toutes les magouilles financières que le député avait couvertes ou encouragées. Mais tout ça s'est su assez rapidement. Des fuites, encore une fois. Oui, des fuites, oui, à Rome, mais jusque dans les échelons les plus importants de la machine judiciaire. Ça veut dire que la mafia a appris très vite, grâce à ses espions, que Falcone allait lancer une nouvelle offensive contre elle. Et une offensive particulièrement redoutable parce que le magistrat pouvait être en mesure de frapper là où ça faisait le plus mal, c'est-à-dire au portefeuille. Oui. Donc plus que jamais, la vie du juge était en danger. Oui, et quand le chef de la coupole, Toto Riina, a appris que le juge envisageait de se rendre à Palerme, la décision a été prise de le liquider. Et passez-moi l'expression, mais la mafia a mis le paquet pour se débarrasser de Falcone. Oui, je me souviens, mais enfin, racontez quand même. Les faits d'abord. Le samedi 23 mai 1992, accompagné de sa femme et de ses gardes du corps, le magistrat gagne un aéroport militaire situé à proximité de Rome. Là, il embarque dans un jet des services secrets italiens qui met aussitôt le cap sur la Sicile. Palerme, oui. Punta Raisi, l'aérodrome de la capitale sicilienne. Dès l'atterrissage, Falcone et sa femme montent dans une voiture blindée qui l'attendait. Ses trois gardes du corps empruntent un autre véhicule. Les deux autos roulent à toute allure sur l'autoroute qui mène à Palerme. Mais soudain, il y a une explosion énorme. La chaussée de l'autoroute est défoncée sur plus de 100 mètres. Et les deux voitures plongent dans un gigantesque cratère de plusieurs mètres de profondeur. Et Falcone a été tué sur le coup? Non. Non? Non, non, il a survécu 2 heures. Mais sa femme et ses trois gardes du corps sont morts instantanément. Aucun d'entre eux n'avait une chance de s'en sortir. Les assassins avaient placé une charge télécommandée d'une tonne d'explosifs dissimulée dans une canalisation sous la chaussée. L'attentat très sophistiqué, donc, assurément, ouais. Et qui avait nécessité non seulement une longue et minutieuse préparation, mais qui n'avait pu être exécuté, encore une fois, que grâce aux informations très précises recueillies par la mafia. Ouais, c'est-à-dire que la mafia savait que Falcone devait venir à Palerme, et elle connaissait aussi le trajet qu'il devait emprunter. Et cela depuis plusieurs jours, parce qu'on ne dissimule pas une tonne d'explosifs comme ça, il faut du temps. Et personne n'a rien vu? Non. Et pourtant, c'est une autoroute très fréquentée. D'autre part, il fallait que les tueurs soient en relation avec des guetteurs à l'aéroport. Oui, j'imagine, pour signaler le départ du convoi. Oui, et il y a quand même une morale. Mais vous, qui êtes féru de police scientifique, vous devez la connaître. Oui, tout à fait. L'un des auteurs de l'attentat pourrait être identifié grâce à une imprudence. Un mégot retrouvé à l'endroit où les assassins attendaient le passage des deux voitures pour actionner la télécommande. C'est ça. Ouais. Un mégot sur lequel des experts de la police ont pu relever de la salive séchée. Oui, qui a permis une analyse ADN. Ouais. C'était même, enfin, ça je peux vous le dire, une sorte de première dans ce domaine. Bon, quelles ont été les réactions en Italie lorsqu'on a appris la mort du juge? À la prison de Palerme, les mafieux qui étaient détenus ont fait la fête toute la nuit. Mais dans le reste du pays, l'émotion a été considérable. Giovanni Falcone était le symbole de la lutte contre la mafia. Et d'un seul coup, les Italiens ont eu le sentiment que le crime organisé était tout puissant et que rien ne l'arrêterait. Un sentiment d'écœurement, quoi. Et de grande lassitude aussi, oui. D'autant que 2 mois après la mort de Falcone, l'un de ses amis, un magistrat, qui lui aussi traquait les membres de Cosa Nostra, a été assassiné à son tour. Et comment s'appelait-il celui-là? Paolo Borsellino. Les tueurs avaient placé des explosifs sous le perron de la maison de sa mère. Le magistrat a été tué, mais aussi ses 5 gardes. Il faut dire que Borsellino avait repris à son compte les enquêtes entamées par Falcone, en particulier sur les accointances financières entre le député Salvo Lima et les familles de la mafia. Ouais, il était donc condamné lui aussi. Et il le savait. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à accomplir sa tâche jusqu'au bout. Il faut aussi ajouter que ces 3 assassinats, ceux de Lima, Falcone et Borsellino, ont été suivis d'une véritable escalade de la violence. Une violence mafieuse. Oui, en juillet, peu après l'attentat contre Borsellino, c'est un membre de la questure de Catane qui est assassiné. Ensuite, c'est un puissant homme d'affaires, un ancien percepteur, Ignazio Salvo, qui est frappé. Mmh. Homme d'affaires en Sicile, il aussi doit avoir des liens avec la mafia. Bien évidemment. Mmh. Donc c'est la mafia qui a réglé ses comptes. Et elle exigeait désormais d'être aveuglément obéi. En 1992, il y aura encore d'autres assassinats. Et l'année suivante, en 1993, l'organisation criminelle franchira encore une étape en frappant hors de l'île des attentats à la bombe, tout à fait dans la manière des mouvements d'extrême droite qui avaient ensanglanté la péninsule dans les années 70 et 80. Je me souviens, moi, de l'attentat contre la galerie des Offices à Florence. En mai 93, oui. Mmh. Il y en a eu d'autres. Mais il ne faut pas oublier que c'est en janvier de la même année que le chef de la coupole, Toto Riina, a été arrêté après des dizaines d'années de clandestinité. Et que c'est aussi la même année que Giulio Andreotti a perdu son immunité parlementaire et qu'il a été accusé de collusion avec la mafia. Bah alors, Andreotti, justement, vous m'avez laissé entendre qu'il y avait un lien entre la mort de Falcone et la candidature de ce politicien à l'élection présidentielle. C'est bien compris. J'en suis pratiquement persuadé. Et je crois que dans cette affaire, la mafia a été manipulée. Enfin, je vous explique. De bons amis d'Andreotti veulent faire capoter sa candidature au Quirinal. Ils sont bien placés pour savoir que l'inoxydable, comme on l'appelle, a des relations privilégiées avec la mafia. Et des relations qui se gâtent. Puisque c'est sous son gouvernement que la Cour de cassation a confirmé le jugement des mafieux du maxi-procès. Et les adversaires d'Andreotti exploitent l'inimitié de la mafia à l'égard de l'homme politique. D'abord, ils encouragent les hommes d'honneur à assassiner son homme lige en Sicile. Mais Salvo Lima. Le résultat, c'est que dans la presse et l'opinion publique, on fait des gorges chaudes sur les relations de Lima et donc Andreotti avec la mafia. Des rumeurs qui sont parfois directement colportées par les hommes d'honneur. Des repentis ? Repentis ou pas. Et enfin, le 23 mai, 2 jours seulement avant l'élection présidentielle, c'est l'assassinat du juge Falcone. Devant l'émotion soulevée par cet attentat, il n'est plus question d'élire à la magistrature suprême un homme soupçonné d'avoir parti lié avec la mafia. Et c'est un homme de son parti, Scalfaro, qui est élu. Mmh. Alors d'après vous, Falcone aurait été la victime indirecte de cette bagarre politique souterraine ? D'une certaine façon, oui. Encore que, soyons clairs, tôt ou tard, la mafia aurait eu sa peau. Oui, la peau de Falcone, oui. D'accord, mais alors qui étaient ces bons amis d'Andreotti qui ont ainsi bloqué sa candidature à la présidence ? Je ne peux pas vous donner une réponse précise, mais à l'évidence, c'était des proches. Des gens qui en avaient assez du parrainage tout-puissant de Giulio Andreotti et qui voulaient peut-être à leur tour des miettes du gâteau. Enfin, après tout, Andreotti n'avait-il pas agi de la même façon en refusant de secourir son rival, Aldo Moro, alors qu'il était séquestré par les Brigades Rouges. Cette thèse, développée par M. X, a été esquissée, seulement esquissée, par le chef du parquet en Sicile, qui était chargé du dossier de l'assassinat du juge Falcone. Il a déclaré en novembre 1993: nous devons encore déterminer si des volontés extérieures à Cosa Nostra ont concouru à l'assassinat de Falcone. Je m'en tiens aux faits, et ces faits disent que Riina a ordonné l'assassinat de Falcone. J'espère simplement qu'il n'y a rien d'autre. Phrase sibylline, vous en conviendrez. Pour terminer, je voudrais vous lire ces quelques lignes écrites par le juge Falcone dans son livre « Cosa li Cosa Nostra ». On meurt, généralement, parce qu'on est seul ou parce qu'on est entré dans un jeu trop grand. On meurt, souvent, parce qu'on ne dispose pas des alliances nécessaires ou parce qu'on est privé de soutien. Je rappelle aussi le titre du livre de Fernandino Imposimato, un juge en Italie, publié aux éditions de Falloir. À samedi prochain. Et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire ou réécouter cette émission sur notre site internet www.franceinter.com.